Chapitre 2e. Quand l'inspecteur et le détective arrivèrent au numéro 22 Phillimore Terrace, ils trouvèrent ce pauvre vieux Robertson au lit grelottant. Il venait de prendre une boisson bouillante et avait la tête entortillée dans un châle de laine. Ses yeux pleuraient et sa voix était terriblement enrouée. D37 s'était installé dans la salle à manger où se trouvait le secrétaire fracturé. Robertson, entre ses éternuements, fit le récit suivant. Son maître, M. Ferdinand Knopf, au service duquel il se trouvait depuis 15 ans, était célibataire et marchand de diamants. La maison ne comportait pas d'autres domestiques à l'exception d'une femme de ménage. La nuit précédente, M. Knopf était en train de dîner au numéro 26 chez un de ses voisins, M. Shipman, un bijoutier qui a ses magasins dans la rue Audley, quand, par le dernier courrier, une lettre arriva pour M. Knopf. Elle portait le timbre de Brighton et en grosses lettres le mot « urgent ». Robertson allait la porter au numéro 26 quand son maître revint. Celui-ci lut la lettre, demanda l'indicateur de chemin de fer et ordonna au valet de faire sa valise et d'aller lui chercher un cab. Je devinais ce dont il s'agissait, continua Robertson après une autre violente crise d'éternuement. M. Knopf a un frère, M. Émile Knopf, qu'il aime beaucoup et dont la santé est très mauvaise. Il traîne ses souffrances de plage en plage et se trouve en ce moment à Brighton où il vient encore d'être malade. Si vous voulez prendre la peine de descendre, je crois que vous trouverez la lettre sur la table du hall. Je l'ai lue après le départ de mon maître. Elle ne venait d'ailleurs pas de son frère, mais d'un docteur, J. Collins. Ce monsieur disait avoir été appelé soudain pour donner ses soins à M. Émile Knopf, qui était presque à l'agonie, et demandait à voir son frère. Avant de partir, M. Knopf m'apprit que son secrétaire contenait en ce moment des choses très précieuses, des diamants surtout, et il me recommanda de fermer avec grand soin la porte et de faire bonne garde. Il laisse souvent ainsi à ma charge son domicile. Ce secrétaire lui sert de coffre-fort, car il n'a pas de boutique, étant simplement courtier voyageur en diamants. Vous savez le reste. Le détective et l'inspecteur, avant de retourner faire leur rapport, se rendirent au numéro 26 chez M. Shipman, le grand bijoutier. « Vous vous rappelez, » ajouta le bonhomme en faisant un nouveau nœud sur sa ficelle, l'ampleur que prit alors le cas. M. Shipman est le directeur de la célèbre maison de joaillerie Shipman & Co. Il habite seul dans sa petite maison de Kensington, laissant à ses deux fils et à leurs épouses le soin de représenter élégamment dans le monde une maison aussi opulente. « Je ne connais M. Knopf que depuis peu de temps, » expliqua-t-il aux deux détectives. « Il m'a vendu à diverses reprises quelques pierres. Comme nous sommes, lui célibataire et moi veuf, nous dînons souvent ensemble. Hier soir, notamment, il dînait ici. Il avait reçu dans l'après-midi un très bel envoi de diamants brésiliens, et sachant combien je suis occupé dans mon magasin, il les apporta avec lui pour me les faire examiner à loisir pendant le repas. En effet, je les lui achetai au prix de 25 000 livres, ajouta le joaillier, comme s'il parlait de quelques centimes, et je lui signai un chèque de cette valeur sur la table même du dîner. Cet arrangement nous satisfaisait tous deux, et à cette occasion, nous bûmes une bouteille de Porto 1848. M. Knopf me quitta à environ 9h30, car il sait que j'aime me coucher tôt. Je pris mon achat avec moi et l'enfermai dans le coffre-fort. Certainement, je n'ai entendu aucun bruit anormal dans l'impasse cette nuit. Ma chambre à coucher est au deuxième étage sur le devant de la maison. Je ne sais rien de plus. C'est vous qui venez de m'apprendre le vol chez ce pauvre M. Knopf. À ce point de son récit, M. Shipman se tut soudain et devint très pâle. Après une brève phrase d'excuse, il quitta la chambre et les détectives l'entendirent monter en hâte l'escalier. Bientôt il revenait. Le détective et l'inspecteur lurent la vérité sur sa figure avant même qu'il dise, dans un râle, « Les diamants, volés, volés !»